plus grand et plus fort que tout deviendra l'amour que j'ai pour vous. Il fallait bien le dire un jour et je l'avoue, il n'y a plus de problème. De plus en plus je vous aime plus fort, de plus en plus fort. J'ai trouvé des raisons à tous mes torts. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ça m'a pris d'un seul coup. Plus grand et plus fort que tout est mon amour pour vous. Mon cœur est bien trop petit, tant d'amour, ayez pitié de lui. Le bonheur tend les bras et je suis ébloui. Il ne faut pas qu'il se brise, mais il faut que je vous dise. Plus grand et plus fort que tout, j'ai joué tout mon avenir sur vous. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ça m'a pris d'un seul coup. Plus grand et plus fort que tout est mon amour pour vous. Plus grand et plus fort que tout est mon amour pour vous. Plus grand que tout, plus fort que tout, plus grand que tout.